Parlons du 11 septembre, 13e anniversaire. Évidemment, c'est toujours un événement marquant. On revient, on fait des bilans et aux États-Unis, il y aura bien sûr aujourd'hui, tout au long de la journée, des cérémonies. Qu'a-t-on appris du 11 septembre? Quel est l'héritage du 11 septembre et comment a-t-on changé? Comme individu, mais comme société aussi. L'héritage est très, très, très lourd. Et c'est pour ça qu'il faut, à chaque année, se dire que le monde dans lequel on vit, depuis le 11 septembre, est un monde qui a été complètement transformé. Il y a eu d'abord une... D'abord, ça a été la guerre ouverte aux États-Unis, et c'est pas par hasard que ce soit hier que le président Obama a décidé de déclarer la guerre à l'État islamique, mais déclarer la guerre, entendons-nous bien, c'est d'aller faire des bombardements du haut des airs. Il n'y a pas une armée qui va vouloir s'en aller sur le territoire. C'est impossible parce qu'il n'y a pas d'État. C'est plus des guerres comme traditionnelles, donc on ne sait pas comment. Et ils vont aller bombarder là où ils sont emparés des territoires. Ils vont faire ça, mais je vous signale que c'est plus symbolique qu'autre chose. Ce qui a désorganisé toutes nos vies, d'abord, c'est évidemment, on ne peut plus voyager de la même façon. Ça a désorganisé complètement le transport mondial. Et quand on voyage, et qu'on voyage beaucoup comme moi, on sait que maintenant, voyager, c'est très compliqué. On part de Québec ou part de cette île, même à cette île, je me souviens, la dernière fois, je me suis dit quand même, enlever mes chaussures et nous fouiller, quoi. C'est partout sur la planète. C'est partout. À la grandeur de la planète. On a un petit tube de pâte à dents dans notre pack-sac, puis on se fait passer pour des vulgaires criminels. Si vous avez le miniature, non. Mais on ne peut plus transporter d'eau. Donc, ça a changé notre rapport. On est obligé de se rendre dans les aéroports 2 à 3 heures précédents, et ça nous dit que voyager, c'est dangereux. Les petites cabines aussi, Madame Bombardier, n'oublions pas, ça c'est le nouveau dispositif, hein? Vous êtes sûrement passé par là également, là, l'espèce de cabine téléphonique, on lève nos mains dans les airs, oui, comme si on était des bandits, puis ça fait push-push, puis on nous voit... Ben oui, parce qu'on croit qu'il y aurait des produits qui pourraient pas se voir avec les machines actuelles. Bon. C'est ça. Alors, évidemment, la sécurité sur nos territoires a été renforcée partout. Donc, c'est des investissements partout, parce qu'on doit maintenant... se défendre. Les services de renseignement doivent être... On a dû recruter énormément pour les services de renseignement. Et donc, on est dans une société qui est, en ce sens-là, paranoïaque. Quand on va en Europe, c'est intéressant, quand on compare à ici, il est certain qu'en Europe, les gens sont plus sensibles que nous le sommes, nous, ici, qui avons été, jusqu'à maintenant, relativement à l'écart de tout ce type d'attentats. Mais on sait très bien qu'il y a eu des attentats au Canada qui ont été déjoués à cause du renseignement. Mais c'est très difficile et c'est très très difficile de percer ces milieux islamiques qui sont devenus des fous. D'ailleurs, on sait aussi qu'il y a des jeunes, on en a 150 au Canada, des jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie ou dans la région. Ben c'est ça, là j'y arrivais d'un côté. Et vous l'avez vu ce matin avec Damien Clermont, qui est le fils de Christiane Boudreau. Un Albertain. Ce sont des gens de l'Alberta. Et lui, il est allé en martyr. Il s'est converti à l'islam. Il est devenu très, très, très, très religieux. Et là, ça échappe à tout. En France, ils en ont plus que ça. En Angleterre également. En Angleterre également. Mais il ne sera pas dit que nous, on n'en aura pas. Et ce que disent les spécialistes en Europe, et en particulier, il y a un juge français qui est spécialisé, dit maintenant, nous avons affaire le profil de ceux qui partent et qui vont couper des têtes. Parce qu'on utilise beaucoup les Occidentaux qui viennent comme coupeurs de têtes. Et vous savez, c'est pas seulement... Ils n'ont pas égorgé que deux Américains. Ça se fait au quotidien. Ah, ce sont des barbares de pire espèce. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et ils prennent ces djihadistes occidentaux, soit convertis, soit complètement intoxiqués par l'idéologie, soit carrément psychiatres, avec un profil psychiatrique. Ah, c'est des psychopathes, Et c'est eux qui coupent les têtes. Mais et puis ils se prennent en selfie avec ça après. Exact. Ils se promènent avec les têtes. Donc on est dans un univers de barbarie invraisemblable. Ce qui nous met dans une autre situation, dans une situation aussi difficile, nos rapports. C'était facile d'aller aux États-Unis. Vous vous souvenez quand on est allé aux États-Unis, pas de passeport et pas de carte d'identité, qu'on passait la douane là par la route. Il y a encore beaucoup d'angélisme. Montréal, il y a encore beaucoup d'angélisme là-bas. T'sais, on trouve que on nous pose donc beaucoup de questions quand on passe par la colle. Ben, effectivement, les douaniers font leur travail. Ici, on nous demande si on a acheté des cigarettes. On peut avoir 3 bazookas dans notre coffre arrière. On va acheter des cigarettes. Ici, ce sont des collecteurs de taxes. Mais c'est le rêve des djihadistes. Le rêve, c'est de faire exploser l'Occident pourri, mécréante et barbare. Et évidemment, on sait aussi qu'il y a des gens qui sont sur notre territoire, qui se promènent, qui sont devenus Canadiens, comme ils sont devenus Américains, comme ils sont devenus Européens, ouais. Qui sont des gens qui sont sur notre territoire et qui sont aussi des têtes brûlées et qui sont aussi idéologisés. C'est une minorité, on dit toujours c'est une minorité, mais ce qui arrive de nos jours, c'est que c'était une minorité et ils ont réussi à faire sauter, en s'emparant d'avions, à faire sauter les 2 tours du World Trade Center. C'était pas des armées de 100 000 personnes, c'était 1000 personnes qui ont réussi ça, peut-être moins même, été impliquées. Donc ça ne veut plus rien dire, la loi du nombre. Quand vous avez des bêtes fauves qui, au nom d'une idéologie et au nom, d'ailleurs, de... Quand on est intoxiqué par la religion, ça rend les gens... Ça rend fous. Et qui sont prêts à tout faire pour monter au ciel, aller retrouver les vierges. Les 72 vierges. Voilà. Où sont, Mme Bombardier? Alors, notre vie a été pourrie par ça jusqu'à maintenant. Relativement, et comparé à d'autres... vraiment protégé par rapport à l'Angleterre, par exemple, où on le sait, il y a des autobus qui sont sautés, il y a eu des trains en Espagne, pour ne pas parler de la France et depuis longtemps. Mais que devrait faire le Canada, justement? Est-ce que Stephen Harper devrait faire comme David Cameron et dire, vous quittez le Canada pour faire le djihad, vous perdez votre souveraineté, votre citoyenneté, pardon, est-ce qu'on devrait faire ça aussi? Mais c'est parce que... c'est faut le faire. Parce qu'il y a aussi des lois qui disent que personne n'est apatride et qu'il faut exister dans un pays. Vous comprenez? Oui, mais Cameron a pris une bonne décision quand même. Non, mais les solutions ont l'air simples. Mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Parce que, d'accord, mais où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là? Ils ne peuvent plus entrer nulle part. Si vous avez enlevé le passeport, ils ne peuvent plus rester ici. Oui, mais la responsabilité suprême d'un chef d'État et d'un premier ministre comme Stephen Harper, c'est de protéger le pays. Donc, c'est bon de barrer. On l'empêche de revenir. Avec un décor que je viens de vous fixer et qui est excessivement complexe. Parce qu'il y a une chose à laquelle il faut faire attention, et ça, il faut être alerte. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont sur notre territoire et qui utilisent nos libertés. C'est ça le cœur de l'histoire, absolument. De toute façon, ils haïssent la démocratie. Il y a quelques années de ça, j'avais fait une entrevue avec un journaliste d'un journal communautaire à Québec qui était allé à l'Université Laval pour couvrir une conférence d'un imam radical. Mm-hmm. Et il avait remarqué que cet imam radical-là faisait de la radicalisation en plein campus de l'Université Laval. Donc, encore une fois, on se sert de nos libertés. Bon, oui, la liberté de religion, pas de problème. Ils avaient installé les femmes à l'arrière, complètement à l'arrière de la salle. Et ce journaliste-là, dans son journal, avait dénoncé ça. Il y avait eu une série de menaces à son endroit. Il avait dénoncé ça. Mais ce que je remarque... Dès qu'on parle comme on parle, on est décrété islamophobe. Parce que là, maintenant, c'est devenu... C'est ça le problème. L'argument. Où sont les musulmans ordinaires, les musulmans modérés? Il y en avait un la semaine dernière, un homme très courageux, je crois que c'était dans le journal La Presse, qui a pris position et qui a dit qu'il fallait que les musulmans et que les associations musulmanes parlent. Oui. Mais on voit bien le silence des organisations musulmanes et le si petit nombre de musulmans qui sont chez nous et qui sont des gens, des bons citoyens, qui parlent, c'est tellement minime que vous voyez bien que la terreur est installée. Est-ce qu'on peut dire qu'il ne dit mot? Ils n'en ont particulièrement conscience. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il ne dit mot consent? Ou c'est plutôt le règne de la terreur qui les empêche de parler? c'est le règne de la terreur, parce qu'il y a souvent des gens, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont des familles, qui ont des familles en Syrie, qui ont des familles, qui avaient des familles en Irak, qui avaient... Et puis, il faut bien dire aussi la responsabilité. Je veux dire, quand George W. Bush est en allant en Irak, il a complètement fait imploser aussi la région. Ça, c'était toute une gaffe. Toute une gaffe. Et quand on voit, après coup, rétrospectivement, que Saddam Hussein, qui était un horrible dictateur et dont on ne pouvait pas quand même pleurer la mort, mais que Saddam Hussein était un protecteur des chrétiens et que là, les chrétiens sont décapités comme les autres et qu'on les chasse de partout... Il y avait un équilibre. C'est terrible à dire, mais dans les dictatures, quand c'est un dictateur, dans le cas de Saddam Hussein, il y avait une vision plus laïque quand même. Tout à fait. Et ben ça protégeait certaines minorités. Oui. Alors là, tout est éclaté. Et puis tout ça est financé par les États comme le Qatar, qui à la fois ouvre une branche du musée du Louvre chez eux et de l'autre main finance ces organisations-là, parce que ceux qui sont les plus menacés aussi, ce sont les pays arabes. Pensez-vous que l'Arabie saoudite, qui contribue énormément au financement des islamistes, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien que les islamistes détestent détestent l'Arabie saoudite et le régime en place. Et que tous ces pays-là, tous ces dictateurs, tous ces princes peuvent sauter. Ouais. Alors, vous voyez, on regarde ça, puis on se dit, mon Dieu, on est bien quand on est au bord de notre claque. Mais vous connaissez la France, Madame Bombardier, vous y allez souvent, vous étiez là la semaine dernière, je crois. Oui. Est-ce que la France est foutue lorsqu'on parle de l'immigration, de la radicalisation de ces jeunes musulmans-là, la montée de l'antisémitisme également, des actes de violence? On l'a vu avec des manifestations supposément pour appuyer Gaza, alors que ce n'était rien d'autre que d'une manifestation violente à l'endroit des Juifs, contre les Juifs. Est-ce que la France l'a échappé? La force de la France, c'est un pays qui aime raisonner et qui aime discuter. Et je dois dire que le débat en France, parce qu'il est très ouvert, on entend tous les points de vue et qu'il y a depuis les Français quand même qui en ont vu d'autres, qui ont connu des périodes tragiques de leur histoire. Ils ont quand même été le seul peuple européen à avoir collaboré directement avec les nazis. Je veux dire, ça marque. Et puis en plus, il faut retourner encore plus loin dans l'histoire. Ce sont des gens qui sont plus au fait et plus au courant des dangers. Cependant, les politiques ont manqué de courage. Mais de tous les partis politiques, que ce soit la gauche ou la droite, ils ont laissé s'installer des zones de non-droit dans les banlieues, en particulier dans la banlieue de Paris, Lyon, Marseille. Zone de non-droit, ça veut dire qu'il y a des quartiers où même la police ne va pas. Exact. Et c'est contrôlé soit par des vendeurs de drogue, soit par les islamistes qui, eux, contrôlent les vendeurs de drogue et qui prennent une cote sur le prix. Donc, c'est évident. Et que le problème est bien plus aigu, et que nous, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, mais là, ça nous viendrait probablement de l'océan Atlantique, c'est sûr que c'est un espace qui nous permet d'éviter d'avoir des problèmes de façon aiguë, comme on le voit dans les pays européens. Doit-on apprendre de ça et gérer notre immigration de manière différente? Au cours des dernières années, ça a été... Le français, la langue française, c'est important, donc... On a invité plein de maghrébins et bravo là, mais sauf qu'à un moment donné, est-ce qu'on doit regarder ça d'un autre œil, être plus rigoureux et élargir notre immigration et intégrer davantage peut-être de latinos des pays de l'Amérique latine, par exemple des gens qui veulent venir vivre ici. Comment on doit faire ça? Immigrer, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. À partir de là, les pays ont le droit. Sont tout à fait dans leur droit de choisir leur immigration, ce qu'en partie l'on fait, en fait. Mais il faut être... c'est qu'il faut choisir de façon beaucoup plus alerte. Ça me semble évident. Mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui émigrent et qui font pas des déclarations dans les pays où ils font la demande. Ils font pas des déclarations qui sont islamistes. Comme Shafia, c'est un bon exemple. Shafia, qui était millionnaire... Et à partir du moment où ils sont ici, tout à coup, c'est ça qui se déclenche. D'ailleurs, pendant le débat sur la charte, moi, je connais des enseignants qui m'ont approché, mais j'en connais d'autres personnellement, qui m'ont dit, dans ma classe, il n'y avait pas de jeune fille au secondaire, il n'y avait pas de jeune fille qui était voilée, il y en avait une. Et pendant le débat sur la charte, tout à coup, 5, 6, sept jeunes filles qui tout à coup mettent le voile. Vous voyez? Oui. Remarquez que c'était pour protester, c'était pas toutes des islamistes, là. On s'entend bien. Mais quand même, alors c'est de la même façon, c'est sûr que quelqu'un arrive pas à la frontière, dit je suis un terroriste et je vais retourner en. Je viens d'être formé en Irak. Et puis en plus, il y a ceux qui il y a tous nos jeunes qui sont perdus, hein. Quand c'est pas un profil psychiatrique, c'est des gens qui sont perdus et tout à coup qui tombent dans le paradis de la religion, parce que quand vous êtes très endoctriné, vous avez réponse à tout. Or, c'est sûr qu'il y a un malaise très profond, hein, sur les questions essentielles, sur la vie, sur la mort. Et alors, vous entrez dans une religion qui vous donne toutes les réponses. Et qui vous promet la vie éternelle avec de belles vierges. Exactement. Alors, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont tentés par ça. Heureusement, jusqu'à maintenant, nous, on n'en a pas beaucoup. Mais s'il y en a plus dans les pays où il y a plus de population, mais en même temps, on n'aurait jamais pensé que des jeunes, une fois qu'ils sont sur le sol canadien, qui veulent s'en aller couper des têtes en Syrie. Vous avez parlé On n'aurait jamais pensé à ça. Vous avez parlé de femmes voilées. Je veux juste souligner le fait, et peut-être que vous l'avez lu, mais c'est ce matin dans Le Monde. J'invite les auditeurs à aller lire si ça les intéresse. Curriculum voilé, c'est une page au complet là-dessus. C'est faute de pouvoir travailler voilé, des musulmanes créent leur propre activité dans le e-commerce, donc le e-commerce, le commerce électronique, centré sur des produits islamo-compatibles. Donc, les sphères de travail public en Europe étaient fermées aux femmes voilées. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les femmes travaillent, mais se font leur propre entreprise. Si elles gagnent leur vie et qu'elles vendent, elles vendent des produits pour les gens, elles vont trouver la façon. Mais vous voyez bien qu'on est dans des enclaves, on est dans des ghettos, oui, et exact. Que ces gens-là ne seront jamais intégrés. Exact. Et quand on n'est pas intégré dans une société, quand le drapeau du pays dans lequel on est et l'hymne national nous répugne, et qu'on se dit qu'on n'est pas de ce pays-là, juste le fait de prendre cette position-là, c'est sûr que ça vient contredire tout ce pourquoi l'immigration est faite, c'est-à-dire pour que des gens viennent dans nos pays et qu'ils profitent de ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et qu'ils viennent chercher la liberté. Eh bien, il y a des gens qui ne recherchent pas la liberté telle qu'on l'entend qui utilisent notre liberté pour reproduire ce qu'ils ont dans un pays où c'est trop dangereux pour eux au jour le jour parce qu'ils peuvent mourir et se faire descendre dans la rue. Madame Bombardier, avant de vous laisser, quelques mots. On s'en va complètement ailleurs. Enfin, on revient chez nous.